I lost everything, everything I ever owned. For seven long years, I tried to get along. Sunrise, the tears in my Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire 89.4 sur la bande FM et aussi en streaming sur www.radio-libertaire.net et vous êtes à l'écoute de la première de l'émission « C'est là que ça se passe ». Alors émission qui sera hebdomadaire et qui sera diffusée tous les lundis en direct sur la plage horaire 13h, 14h30 environ. Alors aujourd'hui on commence avec un peu de retard, il est 13h20, mais c'est normal, c'est la première de l'émission, il a fallu un peu quelques réglages avant de se lancer. Alors C'est là que ça se passe, est une émission qui a pour but, mais rien n'est véritablement fixé, qui a pour but d'être un relais des infos d'agenda, de rendez-vous que l'on peut trouver ici ou là sur divers tracts ou revues ou encore sur des sites internet tels que Démosphère ou Paris Lutte Info, pour ne citer qu'eux, mais il y en a bien évidemment, beaucoup plus que ces deux-là. Et donc ça se veut un relais radiophonique pour pouvoir diffuser des points de rendez-vous, que ce soit sur des luttes telles que des rassemblements, ou encore des piquets de grève, des manifestations. Donc ça, c'est pour ce qui est en extérieur, mais encore des rendez-vous aussi de lutte, entre guillemets de lutte, mais en intérieur, c'est-à-dire tout ce qui peut être attrait à des projections, à des débats, à des présentations de livres, des réunions et d'autres choses encore, mais vous le découvrirez en fonction des rendez-vous que j'aurai à vous proposer chaque semaine, et qui bien évidemment n'est pas une liste exhaustive, hein, même si je vais essayer d'être le plus complet possible. Et surtout que ça ne va pas être exclusivement basé sur les rendez-vous sur Paris et la région parisienne, mais aussi pas mal de rendez-vous que je vous proposerai ailleurs en France. Hein, donc aujourd'hui, ça va être comme des villes sur Lyon, Bordeaux, Marseille, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Sur Grenoble aussi. Donc voilà, ça se veut véritablement un relais radiophonique pour des lieux de rendez-vous, de rencontres aussi, pour pouvoir lutter ensemble, encore une fois, hein, parce que c'est toujours ensemble qu'on y arrivera, hein, bien évidemment. Donc pour lutter ensemble, pour se rencontrer, pour discuter et parler de ce qu'il est possible de faire ou non, pour pouvoir enfin renvoyer le capitalisme et les gouvernements dans les poubelles de l'histoire. Donc on va commencer, hein, simplement avec les rendez-vous sur Paris et la région parisienne. Et notamment ce soir, donc lundi 4 janvier, de 19h à 21h, ce sera à l'annexe de la Bourse du Travail, et ce sont des cours gratuits de droit du travail qui sont donnés par le réseau Stop Précarité. Alors le réseau Stop Précarité est un collectif de juristes et de syndicalistes. Alors dans les syndicats, on va retrouver principalement des gens de chez Sud Solidaire et de la CNT, qui ont décidé depuis, je crois que ça fait depuis 2001 sur Paris, en s'appuyant sur les syndicats que j'ai déjà nommés, mais aussi sur des juristes qui ont eu à défendre des travailleurs et des travailleuses lors de conseils prud'homales ou autres. Donc ils ont décidé de créer ce réseau et d'apporter des informations de soutien aux luttes de salariés, de précaires, de chômeurs, qui sont ouverts à tous et à toutes et sans aucune obligation d'adhésion, ni au réseau, ni aux divers syndicats que les personnes qui présenteraient ces réunions soient affiliées. Et donc, ça existe depuis 2004. Alors, 2001 pour le réseau, 2004 pour les premières réunions. 2004 pour les premières réunions à Paris. Et 2013, depuis 2013 à Bordeaux. Donc, c'est bien parce que ça commence à essaimer. Et c'est vrai que quand on est dans le milieu du travail, on n'a pas forcément accès à tout ce qui peut nous aider à nous défendre. À nous défendre face aux attaques patronales, à nous défendre face à toutes les galères qu'on peut rencontrer sur diverses choses, sur les fiches de paie, sur les congés payés, sur le travail, sur les contrats de travail, etc. Donc ce soir, c'est donc de 19h à 21h, à l'annexe de la Bourse du Travail, qui est située 67 rue de Turbigo. Alors pour y accéder, vous avez la station de métro Temple, avec la ligne 3, ou encore Art et Métiers avec les lignes 3 et 11. Ou encore vous avez République aussi, qui n'est pas loin, avec les lignes 3, 5, 8, 9 et 11 du métro. Et vous pouvez aussi y accéder par bus avec les lignes 75 et 20. Et ce soir, ça aura pour thème... ce soir, le cours gratuit sera sur la durée du travail, les repos et les congés. Donc... une réunion assez intéressante, sachant qu'elles ont lieu une fois par mois. Donc certainement que le mois prochain, j'aurai ce même rendez-vous, bien évidemment avec un thème de réunion différent, à vous proposer. Donc ça, c'était pour ce soir. Vous avez en fin de semaine, après, pas d'autres rendez-vous le long de la semaine, en tout cas pas de ce que j'ai pu recouper comme information. Vous avez vendredi 8 janvier. Alors, vendredi 8 janvier, à 20h30 précisément, vous aurez la projection gratuite du film « Et nous jetterons la mer derrière vous ». Alors, « Et nous jetterons la mer derrière vous » est organisé par le Ciné-Léon, et ce sera à la MJC Paris-Mercœur, situé aux 4 rue Mercœur et accessible par le métro 9 à la station Voltaire et par le bus 56 également. Alors ce film de Noémie Aubry, Clément Julliard, Anouk Manja et Jeanne Gomas sera suivi d'une rencontre débat en présence d'au moins un des réalisateurs et réalisatrices que je viens de citer. Et c'est un film qui parle de la migration. Hein, de la migration. À travers ce film, on traverse des villes de non-lieu, des zones frontières, qui sont quand même, en termes kilométriques, grandes comme des pays entiers. On passe des foyers, de la Grèce en crise, hein, toujours... enfin, en crise du point de vue du capitalisme et de la Troïka, bien évidemment. On passe par les rues d'Istanbul aussi dans ce film. Et en filigrane du fait qu'on suive le périple de ces migrants et migrantes, c'est surtout la parole qu'il et elle porte. Des rêves, des espoirs... bien évidemment, le film est quand même ouvert où il n'y a pas, il n'y a pas de fin de l'histoire avec les personnes qui arrivent là où ils veulent arriver, qui arrivent à avoir des papiers pour les personnes en voulant ou ce genre de choses. Mais c'est surtout un film qui suit véritablement le périple, le voyage de ces migrants et migrantes et toutes les difficultés qui peut exister et qu'on a quand même du mal, même si on essaye de lutter avec ces personnes, qu'on a quand même du mal à se représenter du fait du chaos total et de la violence qui peut exister dans les zones que ces migrants et migrantes peuvent traverser. Et c'est aussi la rencontre entre les réalisateurs et réalisatrices de ce film et les migrants qu'elles ont pu suivre. Des échanges de discussions, même si évidemment il y a la frontière de la langue, des statuts, tout ça. Mais il y a quand même dans ce film des moments où des lieux symboliques se construisent et où l'échange humain devient véritablement beau malgré les conditions de vie de ces personnes. Et donc ce sera, donc, comme je l'ai dit, à la MJC Mercœur à 20h30. On passe au rendez-vous de samedi 9 janvier. Ce sera la journée de mobilisation contre les expulsions à Notre-Dame-des-Landes. Alors, bien évidemment, Notre-Dame-des-Landes, je ne vais pas vous présenter ça aujourd'hui, mais ça fait partie des ZAD, les zones à défendre, contre les grands projets type aéroport, mais c'est aussi les projets de barrages, les projets de construction énorme d'habitats sur des zones qu'on dit zone humide ou zone de protection animalière, donc des zones qui sont véritablement empreintes de richesse, en termes de biodiversité. Mais Vinci, pour ne citer qu'eux et d'autres, continuent le bétonnage de la planète, et donc surtout parce que les personnes qui sont appelées historiques de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui était propriétaire ou locataire avant la déclaration d'utilité publique qui légitimait entre guillemets les expulsions, leurs expulsions de la part de l'État par huissier. Donc ces historiques ont été assignés il y a quelques jours en référé expulsion. Et Vinci demandait donc l'expulsion immédiate avec astreinte financière de 200 à 1000 euros par jour. Donc ça commence à faire une certaine somme que, bien évidemment, vous vous en doutez, ces personnes n'ont pas. D'autant plus qu'elles veulent rester là où elles ont décidé de rester, c'est-à-dire sur tout le lieu de Notre-Dame-des-Landes, sur toute la ZAD. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette journée de manifestation, certainement qui y en aura, mais de mobilisation surtout, en solidarité pour la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Alors sur Paris, le lieu n'est pas encore défini aujourd'hui. Ça sera sans doute défini au cours de la semaine, donc je vous invite à vous renseigner pour celles et ceux qui trouvent que cette lutte est nécessaire et qui veulent participer à cette solidarité. Et de toute façon, c'est une journée de mobilisation nationale, c'est-à-dire que donc là sur Paris, le lieu n'est pas encore défini, mais il y aura quelque chose, mais il y a bien évidemment des choses qui vont se passer sur Nantes, vous vous en doutez bien, mais à d'autres endroits aussi de France, aux Solidarités, il va y avoir des choses. Mais j'y viendrai dans une autre partie de l'émission consacrée au rendez-vous hors de la région parisienne, donc dans le reste de la France. Mais voilà, retenez bien cette date. Pour la journée de solidarité avec les personnes qui sont sous référé d'expulsion, et puis parce que c'est une zone, on sait très bien que l'aéroport ne se fera pas, puisque les hautes instances de Bruxelles et de l'Union européenne ont déjà donné un désaccord à l'État français pour cette construction. Donc de toute façon, c'est déjà un combat qui est presque gagné, mais bien évidemment vous vous en doutez que l'État français ne va pas laisser des victoires comme ça, même si elles sont seulement sous-entendues. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours maintenir la lutte et toujours marquer sa solidarité avec les personnes qui vivent là-bas sur la ZAD, ou celles qui ont migré, sur la ZAD pour apporter un soutien. Et donc voilà, ce sera ce samedi partout en France. Donc. Mais en tout cas, pour le rendez-vous parisien, renseignez-vous tout au long de la semaine pour savoir auprès des collectifs, pour savoir précisément ce qui sera fait pour la région Île-de-France. Vous avez sinon, toujours le même jour, le 9 janvier, samedi 9 janvier, à 14h30 par contre, ce sera une manifestation. Une manifestation qui aura lieu suite à la rafle qu'il y a eu au foyer Adoma Marc Séguin. Alors le foyer Adoma Marc Séguin est situé au nord de Paris, dans le 18e arrondissement. Et le rendez-vous est fixé devant le foyer, qui est situé aux 3 rue Marc Séguin, et qui est accessible par le métro 12 à la station Marc Dormeuil, et par les lignes de bus 35 et 60. Alors en fait, ce qui s'est passé au foyer Adoma Marc Séguin, c'est que le mardi 15 décembre, et sans qu'il y ait eu aucune réquisition du procureur, et sur simple lettre de dénonciation de l'Adoma, et qui plus est sur quelques rumeurs seulement, la police a bloqué la rue et le foyer. Il a pénétré dans le foyer avec des chiens, cherchant on ne sait pas trop quoi. S'est introduit jusque dans les chambres et a fait attendre ceux qu'elle a poussés dehors plusieurs heures sous la pluie et contrôle de papier évidemment pour tous. Alors sachant que dans les fouilles qu'elle a pu faire au foyer, elle n'a rien trouvé de particulier, mais ça ne l'a pas empêché à embarquer toutes les personnes qui étaient sans papier à ce moment-là. Et donc il y en a eu, je crois, entre 20 et 30 personnes qui ont donc été raflées à ce moment-là, lors de cette descente de la police. Donc bien évidemment, nous sommes choqués par ces exactions, bien que nous ne sommes pas étonnés que la police et l'État se permettent encore de faire ce genre de choses. Mais bon, ça s'est quand même eu lieu. Ça a quand même eu lieu. Ces différents moments qu'on peut qualifier de rafle, oui, a eu lieu encore ces dernières années. Hein, j'ai plus les villes en tête, mais je me rappelle qu'il y a eu ça il y a quelque temps en Seine-Saint-Denis. Mais à d'autres endroits de France, hein, bien évidemment. Et sachant que il n'y a eu aucune concertation avec, enfin, comme je disais au début, hein, un juge des référés aurait pu envoyer le premier, enfin, des premiers courriers concernant cette non pas cette rafle, mais cette perquisition, cette fouille dans le foyer, aucune réquisition du procureur, hein, comme j'avais dit. Donc c'est pour ça que les habitants du foyer qui eux, n'ont pas été raflés, et des habitants et habitantes autour de ce foyer ont décidé de cette manifestation de samedi 9 janvier 14h30 devant le foyer pour justement demander à ce que les personnes qui ont été interpellées à ce moment-là soient remises en liberté, qu'elles soient régularisées, qu'elles aient donc des papiers et ne soient plus poursuivies parce qu'elles n'ont pas de papiers officiels déclarant qu'elles sont françaises ou autres, et que ces travailleurs puissent être protégés et vivre en sécurité dans leur domicile, hein, privé. C'est-à-dire que un foyer reste un domicile privé, même si c'est quelque chose de ouvert ou semi-ouvert, ça reste quand même l'endroit où ces personnes ont leurs affaires, où elles dorment, où elles construisent un bout de leur vie en attendant de pouvoir construire mieux. Et voilà en tout cas les revendications qui sont données par ce groupement d'habitants du foyer et d'habitants et d'habitantes du quartier où il y a le foyer. Donc comme je l'ai dit, c'est ce samedi à 14h30 devant le foyer Adoma situé aux 3 rue Marc Séguin. Métro le plus proche, Marc Dormeuil avec la ligne 12. Alors, toujours le samedi 9 janvier, c'est vrai que le samedi c'est souvent lourd en rendez-vous. Et cette fois-ci, ce sera à 17h. Alors à 17h, une discussion débat intitulée Ayotzinapa, Paris, et qui aura lieu au local parisien de la CNT, situé au 33 rue des Vignoles, et accessible avec le métro 2 à la station Avron, la ligne 9 aussi à la station Buzinval, et par le bus 57 qui ne passe pas très loin de là. Alors, pourquoi ce débat intitulé « Ayotzinapa, Paris, état d'urgence ?» Eh bien, tout simplement parce que il y a eu une grande répression qui s'est abattue le 26 septembre 2014 dans l'école normale rurale d'Ayotzinapa, au Mexique, région de Guerrero. Et il y a eu 6 personnes qui ont été tuées dans la ville d'Iguala par les forces policières et les escadrons de la mort, et 43 étudiants embarqués ce soir-là par la police qui ont disparu et qui, encore aujourd'hui, bientôt un an et demi après, n'ont toujours pas été retrouvés et aucune nouvelle n'a véritablement été diffusée pour savoir si ces personnes n'étaient ne serait-ce qu'en vie ou même si elles étaient malheureusement décédées. Et nous avons donc aucune info. Et donc le Mexique et dans le monde entier, évidemment, il y a des mobilisations qui n'ont pas cessé depuis pour retrouver ou faire pression pour retrouver les 43 disparus. Et puis, bien évidemment, dénoncer le système étatique et criminel qui est coupable à 100% de ce crime. Et donc cette réunion se veut aussi là pour faire le point, justement, 15 mois après, de savoir où est-ce qu'on en est. Et dans ce contexte, ce qui est important, c'est de voir quels sont les ponts qui peuvent être les ponts et les solidarités qui peuvent être menées entre le Mexique, pardon, et la France. Ça sent que l'Hexagone est quand même passé en état d'urgence depuis mi-novembre maintenant, et la tuerie qu'il y a eu au Bataclan et dans tout le 11e arrondissement, mais aussi aux abords du stade de France à Saint-Denis. Et notamment parce que la France est devenue, je ne sais pas si vous le savez, mais le deuxième exportateur d'armes au monde. Donc c'est-à-dire que je crois que le premier est les États-Unis, mais je ne suis pas sûr de cette information. Mais en tout cas, la France est le deuxième exportateur d'armes au monde. C'est-à-dire que nous vendons, nous sommes dans le trio de tête de la vente d'armes à l'extérieur de nos frontières. Et là, je ne parle exclusivement que du commerce légalisé des armes, hein, c'est-à-dire qu'il faut compter en plus de cet aspect légal tout ce qui gît dans le commerce de l'armement non légal, hein, et au marché noir, comme on dit. Donc le fait que la France soit le deuxième pays exportateur d'armes et le fait qu'il y ait des choses qui se passent ici ou là dans le monde avec ici ou là par des personnes armées, mais armées illégalement par le marché noir, des armes que l'on peut retrouver, des armes françaises que l'on peut retrouver dans des groupements qualifiés de terroristes par les médias, hein, ça c'est prouvé, ce n'est pas de la fabulation. Mais on sait que la population civile en France, qui est devenue la cible d'attentats meurtriers, et bah, c'est pour ça que depuis, nous vivons désormais, sous une espèce de chape de plomb qu'on appelle état d'urgence, et qui pourtant ne sert que très peu à nous protéger d'attaques dites terroristes, puisque un certain nombre de personnes participant aux mouvements sociaux, que ce soit des syndicalistes ou autres, ont été assignés en résidence ou ont été placés en garde à vue, lors de différentes manifestations ou rassemblements. Alors, état d'urgence, oui, mais le problème, ce n'est pas seulement de dire les dérives de l'état d'urgence. Hein. C'est tout un terrain militarisé. Quand je dis terrain, je parle du territoire français, hein, de militarisé à outrance, surtout dans les grandes villes urbaines. On ne fait pas 10 mètres sans croiser des groupements de gendarmes ou de CRS ou de militaires, surtout dans les gares, ferrées. Où là, c'est véritablement un déploiement assez conséquent. Et pour ma part, je ne me sens pas plus en sécurité. Limite, je me sens même plus en insécurité. Quand il y a tout ce groupement militariste qui est déployé dans ces zones. Mais du coup, pour en revenir au débat qu'il y aura à la CNT, c'est pour quand même pouvoir créer et réfléchir à créer des ponts, des solidarités, pour continuer à tisser avec celles et ceux qui se battent à Ayotzinapa et partout. Hein, pas que là-bas, contre la répression et l'impunité des forces répressives, bien évidemment. Donc ce sera au 33 rue des Vignoles, samedi 9 janvier, à partir de 17h. Autre rendez-vous pour finir la semaine sur Paris Intramuros, dimanche 10 janvier, à 16h. Alors... Dimanche 10 janvier à 16h aura lieu un atelier non mixte, donc je reprécise, hein, non mixte, sur les expériences de la prise de conscience féministe. Cet atelier aura lieu à la librairie Violette & Co., située au 102 rue de Charonne, accessible par le métro 9 à la station Charonne, et pas trop loin, il y a aussi les lignes de bus 56 et 76 qui desservent cette librairie. Alors, cet atelier est organisé dans le cadre des Dimanches des Amis de Violette, librairie Violette & Co, qui est une librairie féministe, où on trouve où l'ouverture dans les horaires normales est mixte, hein, ce n'est pas à 100% cadré dans la non-mixité, mais des ateliers en non-mixte permettent toujours de libérer une parole qui peut avoir... une parole qui peut ne pas se sentir libre en présence de deux personnes, pas forcément du même genre ou du même sexe. Notamment pour la prise de conscience féministe, comme le veut cet atelier. Donc, librairie Violette & Co., vous pouvez passer à cette librairie, hein, qui est cette librairie qui est ouverte du mardi au samedi, si je ne m'abuse. Et qui propose véritablement des livres très complets, hein, sur les luttes féministes, sur les luttes et théories, donc féministes, queer, trans, et pas que des livres, hein, des romans graphiques aussi, des BD aussi, si je me souviens bien. Donc voilà, ce sera dimanche 10 janvier à 16h, et je rappelle, c'est en non-mixité. Donc voilà pour les rendez-vous que j'ai pu récupérer pour Paris Intramuros. On va se faire une petite pause musicale et on va se retrouver juste après pour continuer. Il y aura un petit rendez-vous en région parisienne du côté de la Seine-Saint-Denis. Et je vous dirai ça juste après. La pause musicale. Et ce sera le groupe No Tears avec le titre Afraid Of. A tout de suite. Shutting fire. Toujours à l'écoute de l'émission C'est là que ça se passe, sur Radio Libertaire, 89.4 sur la bande FM en Ile-de-France et écoutable partout ailleurs sur le site internet de la radio www.radio-libertaire.net. Alors on reprend pour les rendez-vous et notamment un rendez-vous en région parisienne, toujours, mais pas dans Paris. Ce sera une projection d'un film. Projection d'un film qui aura lieu à Saint-Denis, vendredi 8 janvier, à 20h45. Et cette projection aura lieu au cinéma L'Écran, place du Caquet, à Saint-Denis. Le métro le plus proche étant le métro 13 avec la station Saint-Denis-Basilique. Et le film qui sera projeté sera « Qui a tué Ali Ziri ?» Alors, pour la petite histoire, Ali Ziri, un homme de 69 ans, décède le 11 juin 2009 après son interpellation par la police nationale à la suite d'un contrôle routier à Argenteuil. Je rappelle que l'homme a 69 ans au moment du décès. Il sera déclaré arrêt cardiaque d'un homme au cœur fragile par le procureur de Pontoise. Appuyant la famille qui vit en Algérie, un collectif d'Argenteuillais demande une contre-expertise. Deux mois plus tard, l'institut médico-légal révèle 27 hématomes sur le corps d'Ali Ziri. 27 hématomes. Pendant 5 ans, le cinéaste, alors j'ai oublié de présenter le cinéaste, et c'est Luc de Castor. Donc le cinéaste, pendant 5 ans, a suivi les pas de ceux qui demandent justice et vérité après cette mort, ignoré totalement des médias, mais que certains considèrent comme un lynchage digne des pires périodes de l'histoire. Au-delà d'une affaire de justice, Luc de Castor s'est attaché à représenter ce qu'une telle affaire suscite à l'intérieur d'une ville de banlieue ordinaire, notamment la ville d'Argenteuil. Le cinéaste suit les échanges dans les rues de la ville, les entretiens avec les avocats dans les palais de justice, mais aussi les réunions internes du collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri. Au fil de la dramaturgie du film, des retournements de situation et de nouveaux espoirs se révèlent des personnalités étonnantes d'ingéniosité. Par-delà les échanges, le film interroge la justice française et ses incohérences lorsque des policiers sont mis en cause. Alors cette histoire, qui date du 11 juin 2009, et qui avait été totalement ignorée des médias de masse, hein, bien évidemment, mais même des journaux nationaux ou même locaux. Je pense par exemple aux pages centrales du journal Le Parisien, qui traite de temps en temps de l'info locale, certes sous un prisme véritablement non neutre. Hein. Là, on sera bien d'accord là-dessus. Mais je crois que je me rappelle d'un petit carré, d'une petite pige dessus, notifiant la mort d'un homme de 69 ans. Mais il y avait eu une totale chape de plomb sur cette affaire, hein, notamment quand la police est mise en cause. Donc cet homme, Ali Ziri, qui n'avait rien fait de particulièrement dramatique, hein, c'était juste un chauffeur, je me rappelle s'il était chauffeur, transporteur, ou si c'était simplement son véhicule, enfin qu'il était dans son véhicule, mais dans tous les cas, cette information n'est pas importante, excusez-moi, mais voilà, c'était simplement un banal contrôle routier, comme il en arrive des centaines à travers la France chaque jour. Donc ce contrôle routier à Argenteuil, qui a totalement dégénéré, et pardonnez-moi, mais on voit mal un homme de 69 ans tenir tête, et je dis pas ça pour faire de l'agisme, mais tenir tête à une brigade de gendarmerie ou de police pour se faire à ce point maltraiter. Hein, je rappelle que la contre-expertise, hein, de l'Institut médico-légal, a révélé 27 hématomes. 27 hématomes, c'est quand même énorme, c'est plus que 27 coups, parce qu'il ne faut pas forcément un seul coup pour donner un hématome. Donc la personne a véritablement été tabassée jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc depuis, ce film, ce film est sorti il n'y a pas longtemps, hein. Il est sorti au mois d'octobre. Au mois d'octobre, et depuis, il y a eu diverses dates en région parisienne. Alors j'espère que le film va pouvoir sortir de la région parisienne pour être diffusé partout ailleurs en France, parce que c'est véritablement un film à voir. Hein. C'est vraiment un film à voir, et puis c'est surtout de savoir qu'il peut exister ce genre de choses lors d'un banal contrôle routier. Voilà, donc quand je vous disais tout à l'heure que de voir tous ces personnes militarisées, que ça soit gendarmerie, police ou militaire dans les gares, me rendait pas forcément plus en sécurité, ben voilà ce qui peut se passer. Et c'était en 2009, et il n'y avait pas l'état d'urgence. Donc voilà, donc ce film sera diffusé, hein, comme j'ai dit, vendredi 8 janvier 2016 à 20h45 au cinéma L'Écran, place du Caquet à Saint-Denis, accessible avec la ligne 13 du métro par la station Saint-Denis-Basilique, mais aussi avec la ligne 1 du tramway qui passe au même endroit, la même station, hein, Basilique de Saint-Denis. Ou encore pour les personnes locales avec les bus 153, 239 et 253. Voilà, donc véritablement un film à voir. Hein. Je crois que vous pouvez trouver quelques tracts ou quelques 4 pages qui ont été tirées pour faire la promotion, oui, de ce film à la librairie Publico, qui sera fermée toute cette semaine pour cause d'inventaire, mais qui réouvrira à partir du mardi 12, si je ne me trompe pas, dans les numéros de date. Je crois qu'il reste encore quelques tracts, oui. Et donc, oui, vendredi 8 janvier, mais il y aura aussi le 13 février, ce film sera diffusé à Viltaneuse. Là, par contre, je n'ai ni l'endroit, ni l'heure de la projection, mais juste la date, le 13 février à Viltaneuse, et une autre date encore, le 9 mars 2016, au cinéma La Clé. Cinéma La Clé qui projette un certain nombre de films militants ou subversifs, hein, qu'on pourrait qualifier, des choses qui ne vont pas sortir véritablement dans l'UGC ou le Gaumont, et mettre en parallèle avec les super productions qui peuvent sortir tous les jours, ou toutes les semaines plutôt. Mais voilà, donc 8 janvier à Saint-Denis, 20h45, cinéma L'Écran, 13 février à Viltaneuse, et là je n'ai ni l'endroit ni l'heure, mais j'espère que d'ici le 13 février je pourrai vous transmettre l'information, et le 9 mars à Paris au cinéma La Clé. Salut. Donc on va refaire une petite pause musicale et après on passera au rendez-vous hors région parisienne et partout ailleurs en France, sachant qu'il y en a un certain paquet. Trying to find anyone who's a boss in their power. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est là que ça se passe sur Radio Libertaire, 89.4 sur la bande FM et partout ailleurs sur le site internet en streaming sur le www.radio-libertaire.net. Et on venait d'écouter Atari Teenage Riot avec le titre Black Flags, donc drapeau noir. Et donc on va prendre cette fois les rendez-vous en région, hors de la région parisienne. Donc, on va commencer par Marseille. Beaucoup de choses à Marseille, notamment mardi 5 janvier. Mardi 5 janvier, il y aura l'assemblée générale, du collectif Soutien Migrant 13, qui aura lieu à 19h au 180 rue Horace Bertin dans le 5e arrondissement de Marseille. Et ce collectif hein, qui s'est monté il y a déjà un certain nombre de mois et qui tente de coordonner et d'amplifier le soutien aux migrants et aux migrantes qui arrivent par la Méditerranée, par les routes italiennes, par la ville de Vintimille, et donc de pouvoir apporter un réel soutien autant juridique que de lutte sur le terrain. Donc ça c'est pour mardi 5 janvier. L'assemblée du collectif Soutien Migrant 13, 19h au 180 rue Horace, pardon, Bertin. Il y aura vendredi 8 janvier un rassemblement devant le tribunal de grande instance, le TGI, en soutien aux derniers inculpés des incendiaires du centre de rétention du Canet. Alors c'est une affaire qui date d'il y a déjà un certain nombre de temps. Pour vous donner l'adresse du tribunal, c'est situé au 6 rue Émile Polac et le rassemblement aura lieu à 13h. Donc c'est en soutien au dernier inculpé des incendiaires du centre de rétention du Canet. Il y a quelques années, le centre de rétention avait été incendié, mais peu de preuves avaient été trouvées, c'est-à-dire que les personnes qui avaient été inculpées, enfin mises en garde à vue et inculpées à l'époque, peu de preuves avaient été trouvées par la police judiciaire de l'époque par rapport à ces personnes inculpées. Et il reste encore une personne, alors d'autres ont été libérés, mais il reste encore une personne qui est encore inculpée, dont les chefs d'inculpation sont toujours d'actualité concernant cet incendie du centre de rétention du Canet. Et donc il serait véritablement bien d'apporter sa solidarité et d'aller à ce rassemblement à 13h devant ce tribunal de grande instance pour soutenir la personne et puis soutenir aussi la famille et les amis qui se sont investis depuis un certain nombre de mois maintenant hein, sur cette affaire. Et notamment parce que de toute façon, hein, les centres de rétention, en tant que libertaires, on sait ce que c'est, en tout cas on sait qu'on n'en veut pas, et on sait de toute façon que ce ne sera pas quelque chose à péripliter, c'est-à-dire que ce ne sera pas quelque chose qu'il faudra garder à l'avenir. Hein. Ces centres de rétention qui ne sont juste simplement des succursales pour les personnes en voie d'expulsion, hein, tout simplement. Alors, toujours sur Marseille, le dimanche 10 janvier, il y aura une frite party qui est organisée en soutien aux kiosques. Alors le kiosque, c'est un endroit où il y a un infokiosque, un endroit ouvert à tous et à toutes, qui a un infokiosque, il y a des BD, des romans et la possibilité de boire du thé ou autre et aussi de pouvoir discuter avec les personnes qui gèrent ou qui viennent en ce lieu. Bref, c'est un lieu de diffusion de la pensée révolutionnaire au sens large, dirons-nous, et qui permet de pouvoir discuter ensemble et de se retrouver ensemble et de décider ensemble des luttes à mener. Alors, ce soutien au kiosque aura lieu au Raccoon, situé place du Lycée Thiers. Le kiosque, quant à lui, est situé à la Belle de Mai, au 38 rue Clovis-Hugues, dans le 3e arrondissement de Marseille. Donc, ne pas confondre les deux lieux, mais la soirée de soutien aura lieu, la soirée de soutien au kiosque aura lieu au Raccoon, situé place du Lycée Thiers. Voilà. On va passer à Nantes, à la ville de Nantes. Nantes, ce sera... Alors, avant Nantes, on va faire une date à une petite étape à Angers. Pour mercredi 6 janvier à 18h, il y aura l'ouverture de la bibliothèque L'Étincelle. Alors L'Étincelle, c'est une nouvelle bibliothèque qui va s'ouvrir avec des livres, principalement des livres sur l'anarchisme, sur l'histoire des luttes et sur les luttes actuelles, bien entendu. Donc cette nouvelle bibliothèque, L'Étincelle, qui porte bien son nom, fera son ouverture mercredi 6 janvier à 18h. Et par contre, je n'ai pas l'adresse précise du lieu, juste la date et l'heure. Donc essayez de vous renseigner peut-être sur Indie Media Nantes. Il y aura sans doute quelques infos complémentaires. Ou pour les personnes qui vivent à Angers, il y a sans doute peut-être moyen de trouver le petit collectif local qui s'occupe de cette ou qui va s'occuper de cette bibliothèque. Donc je rappelle l'ouverture mercredi 6 janvier à 18h. Alors à Nantes, bien évidemment, grande journée de mobilisation hein, à travers la France samedi 9 janvier contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et son monde, hein, et le Vinci Monde. Donc il y a de nombreuses choses qui sont organisées hein, bon, partout en France, mais notamment sur Nantes précisément, il y aura des tractovélos. Des tractovélos qui donc une manifestation à vélo et avec les différents tracteurs des différents agriculteurs qui peuplent la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors des rendez-vous qui sont donnés à partir de 8h30. Donc il y en a un qui partira de la ZAD à 8h30 et qui se dirigera vers le périphérique de Nantes. D'autres rendez-vous à partir de 11h30 qui se dirigeront vers le Zénith Atlantis. À partir du Cinéville de Saint-Sébastien, toujours à 11h30. Du Centre Commercial Océane, toujours à départ à 11h30. Ça, c'est pour les manifs tracto-vélo. Et enfin, à pied, la manif partira de la Neustrie à partir de 11h30, là également. Et alors, pour de plus amples informations, hein, n'hésitez pas à contacter les collectifs locaux hein, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes hein, qui seront ravis de vous compter parmi eux et elles. Et le soir même, le nouveau film de Yanis Yuluntas, Je lutte donc je suis, qui sera projeté sur la ZAD à la Wardine à partir de 20h et qui sera normalement en présence de Yanis. Donc pour présenter le film complet, Je lutte donc je suis, la version courte de 45 minutes était sortie il y a quelques mois. Et là maintenant le film est monté en entier et dure je crois 1h20 ou 1h40, 1h40 il me semble. Donc à la Wardine sur la ZAD à partir de 20h, en présence de Yanis, qui diffusera aussi son film le dimanche 10 à Saint-Omer-de-Blain, à partir de 17h au Nez dehors. Et le lundi 11 et le 12, il y aura aussi une projection du film aux alentours de Nantes de Je lutte donc je suis, mais pour lundi 11 et 12, je vous donnerai les informations la semaine prochaine. Alors pour Grenoble, passons à Grenoble donc. Grenoble, alors ce lundi à 16h, il y a la permanence de la bibliothèque féministe. Cette permanence aura lieu en mixité. et ça sera à la BAF, au 2 Chemin des Alpins. Alors apparemment, c'est près du croisement des rues Alliées et de Stalingrad. Alors dans cette bibliothèque féministe, on trouve des romans, des documents sonores, des bandes dessinées et aussi un gros infokiosque avec beaucoup de brochures sur le féminisme, tout ce qui est queer, tout ce qui est trans, etc. Et bien évidemment, hein, comme souvent dans ces lieux, c'est l'occasion de pouvoir discuter ensemble et de décider ensemble de l'avenir des luttes. Mardi 5 janvier, il y aura, donc le lendemain, hein, c'est demain, la réunion hebdomadaire du collectif grenoblois de soutien à la ZAD de Rouillemont, à partir de 19h. Au 38 rue d'Alembert. Et oui, parce qu'il n'y a pas que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hein, bien évidemment, mais ça fleurit un peu partout en France, et ce sont des zones qu'il faut bien entendu défendre et lutter pour que toutes ces grosses structures d'aéroports, de barrages, tout ça, puissent rester dans les classeurs et ne pas sortir de terre. Et pour que la terre reste terre, justement. Le mercredi 6 janvier, à partir de 13h, toujours à Grenoble, hein, un repas organisé au squat Le Parpin Paillette, qui est situé au 104 rue Ambroise Croizat, à Saint-Martin-d'Hères. Ah pardon, c'était pas à Grenoble, mais donc à Saint-Martin-d'Hères, autant pour moi. Alors dans ce squat, un certain nombre d'activités, hein, qui sont organisées, le mieux étant de passer pour aller les voir, et puis de discuter, hein, et puis de prendre contact avec eux pour avoir plus d'informations sur les activités qui sont faites là-bas, notamment parce que les squats, hein, avec l'état d'urgence, on sait très bien que il y a eu beaucoup d'expulsions de squats, hein, quand même, hein, depuis. Donc il faut faire attention et puis apporter sa solidarité à ces formes de lutte et de lutte contre la gentrification, notamment. Après, à Grenoble, il y a eu toutes sortes de luttes et de rassemblements qui ont pu avoir lieu tout au mois de décembre. Une manif qui avait eu lieu contre l'état d'urgence où 400 à 500 personnes se sont mobilisées. C'était le 9 décembre avec des banderoles et des tracts, hein, pour dénoncer cet état d'urgence. Alors c'était une manif non déclarée, hein, donc ce qu'on appelle une manif sauvage. Des collages aussi, hein, ont eu lieu avec des diffusions de tracts contre l'état d'urgence, tout ça sur le marché principal de la ville. C'était le 12. Le 15 décembre aussi, il y a eu un rassemblement qui n'appelait pas une manif, mais un rassemblement quand même. Et un groupe de personnes avait décidé de partir en manif, à peu près une cinquantaine de personnes, toujours pour lutter contre l'état d'urgence. Et il y avait eu 3 arrestations, notamment des personnes de chez Solidaires étudiants, qui ont été placées en garde à vue. Et le procès de ces 3 personnes devrait avoir lieu en février. Je vous repréciserai ça dans les prochaines émissions, notamment. Donc voilà pour Grenoble. Je peux aussi vous dire qu'il y a des rendez-vous pour la ville de Lyon. Enfin, Lyon et alentour. Hein, ce lundi à 20h, réunion lyonnaise, pardon, de l'organisation pour la manif locale qui aura lieu le 9 janvier en soutien à Notre-Dame-des-Landes. Hein. Donc ça sera la réunion du collectif local pour décider de quelque chose à faire sur Lyon ce 9 janvier en soutien. Et ça sera au 58 rue Rollin, dans le 7e arrondissement de Lyon. Toujours ce lundi, hein, donc toujours aujourd'hui, il y aura la permanence aux sans-papiers, qui est ouverte depuis le 20 avril et qui a lieu tous les lundis soirs de 18h30 à 20h. Ce soir, ce sera à la Lutine, au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement de Lyon. Et cette permanence est bien évidemment ouverte à tous et toutes, mais existe et est là surtout pour faire face aux démarches compliquées dans lesquelles peuvent se retrouver les sans-papiers. Ça, c'est pour Lyon. Pour Bordeaux, je vous ai parlé tout à l'heure pour Paris du réseau Stop Précarité qui organisait des cours de droit du travail. Eh bien, sachez qu'à Bordeaux, il existe la même chose, hein, c'est au même réseau, le réseau Stop Précarité 33, qui organise donc lui aussi des cours gratuits du droit du travail, Et ce lundi, ce sera à l'Athénée Municipal, qui est situé place Cristoli, et qui est desservi par les lignes A et B du tramway, notamment l'arrêt Hôtel de Ville. Et ce cours aura lieu de 18h30 à 20h30. Et ce sera le thème, enfin le thème de ce soir portera sur les contrats précaires et en particulier sur l'intérim. Et oui, on sait très bien que un nombre conséquent d'embauches actuellement sont faits pas sur des contrats précaires, hein, donc soit sur l'intérim, soit sur des contrats payés en dessous du SMIC. Donc véritablement, il y a des choses à savoir du point de vue du droit du travail pour pouvoir faire appliquer le droit face au patronat, et puis surtout, à terme, de pouvoir acquérir, mener des luttes pour acquérir de nouveaux droits, hein, bien évidemment. Alors je vais finir très vite, parce que je vois qu'il est bientôt l'heure de la prochaine émission, avec en rendez-vous internationaux, une grève, une grosse grève qui se prépare à Bruxelles par les cheminots de la SNCB. Alors les cheminots qui seront en grève à partir de demain, mercredi et jeudi 7 janvier. Donc 3 jours de grève, avec des piquets de grève, notamment à la gare du Midi, gare de Bruxelles Midi. Donc ça aura lieu soit à partir de très tôt le matin, hein, à partir de 5h du matin, donc aux alentours de la gare du Midi. Prenez contact avec les collectifs locaux pour avoir de plus amples informations, mais de ce que j'ai pu noter pour les principales revendications, c'est surtout contre les investissements sur la sécurité qui se font après de graves accidents et jamais en amont. Cette grève se veut aussi pour la gratuité des transports ferrés. C'est vrai que c'est rare que soit donnée cette revendication, hein, dans les grèves de cheminots, mais voilà, donc pour la gratuité des transports ferrés et aussi pour la préservation du climat, puisque ça se veut être une grève au bénéfice des transports ferrés contre la voiture individuelle. Alors je sais aussi qu'il y aura un repas qui sera servi vers 11h du matin pendant les 3 jours, donc mardi, mercredi et jeudi. Voilà, donc si vous êtes sur Bruxelles ou que vous passez par Bruxelles cette semaine, n'hésitez pas à aller saluer les grévistes, hein, qui c'est toujours difficile de faire grève et de plus en plus sous le contexte actuel. Un autre rendez-vous toujours à Bruxelles, c'est le vendredi 8, la projection du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine, qui aura lieu au cinéma Nova à 20h. Alors par contre, ce n'est pas gratuit, la place est entre 3,50€ et 5€, et ce sera suivi d'un débat. Donc voilà pour les principaux rendez-vous sur Paris, intramuros et en région, sur la France entière, et puis quelques rendez-vous à l'étranger, notamment à Bruxelles, comme vous venez de l'entendre. Alors, la semaine prochaine, il y aura sans doute de plus amples informations sur l'international, hein, puisque aujourd'hui, c'était la première de l'émission « C'est là que ça se passe », mais donc il y a encore quelques petites choses à réarranger, au niveau notamment de la gestion du temps. Mais voilà, sans doute des informations internationales sur les luttes en cours qui seront, j'espère, que j'aurai en tout cas eu accès à ces informations pour vous les transmettre. Et puis, surtout, je vous dis à la semaine prochaine, toujours, même heure, à partir de 13h, hein, non pas 13h20 comme aujourd'hui. Je vous laisse, il y a une émission qui va suivre, notamment Onde de choc. Et je vous laisse avec le groupe Seconde Chambre et la chanson Victoire prochaine. À la semaine prochaine.